La maison d'édition près le Parti Strava de Corée a fait paraître les affiches illustrées, ce thème, tous pour l'application de la décision du 7e congrès du parti et tous en mouvement de création de la vitesse Malima. Elles sont destinées à encourager les cadres et militants du parti et autres travailleurs engagés tous à l'œuvre pour appliquer la décision du congrès du parti.